Chapitre 23e. Henri était déjà dans la rue lorsqu'il sentit une main s'appuyer timidement sur son bras. Il se retourna et reconnut M. Dalbreuse qui l'avait suivi sans bruit. « Vous ne sauriez croire combien je suis aise de vous avoir rencontré, » dit le voyageur. « Si vous le permettez, nous ferons un bout de chemin ensemble. Il y a longtemps que je n'ai vu un visage ami. Cette longue absence que je viens de faire ne m'a pas été favorable. J'ai essuyé bien les traverses. La vie est une loterie. Jusqu'à présent, j'ai perdu, mais je ne désespère pas. « Vous avez raison, » répondit Henri sans trop savoir ce qu'il disait. « Cela fait du bien de causer avec une personne qui vous est sympathique, » continua M. Dalbreuse. « J'ai appris que, pendant ce voyage interminable, qui a failli me pousser au tombeau, vous alliez beaucoup chez moi. Madame Dalbreuse a toujours le tact de s'entourer de personnes distinguées. On peut lui confier le gouvernement d'une maison. Nous vous verrons, si vous le permettez. Vous reconnaîtrez bien vite que les désastres, et je parle des plus accablants, ne m'abattent pas. Je suis comme le vieil hanté de la fable. J'ai touché le sol de Paris, et des forces nouvelles fermentent dans mes veines. Le sourire doucereux de M. Dalbreuse s'effaça et devint plus vif. Un mélange félin d'audace et d'astuce parut sur son visage. Il pressa le bras de son interlocuteur. « Vous mêlez-vous d'industrie ? » reprit-il presque aussitôt. « Fort peu, ou pour dire les choses comme elles sont, pas du tout. Vous ne vous en occupez pas, c'est vrai, mais vous comprenez toutes les questions qui s'y rattachent. Un esprit intelligent et curieux comme le vôtre perçoit de prime saut l'ensemble des choses. Quel homme aujourd'hui n'a pas, tout au moins, une teinture de cette science qui est l'âme du monde ? Pas de problème qui se puisse résoudre si on ne tient pas compte de l'élément industriel. Par la théorie ou par la pratique, il n'est personne, dans les temps où nous vivons, qui ne lui emprunte une force ou ne lui paye un tribut. Quant à moi, qui n'habite pas les régions élevées de la pensée, j'ai fait de l'industrie mon royaume, et je n'en sortirai pas aussi longtemps qu'un souffle animera ma poitrine. Une fois, deux fois, trois fois, elle m'a vaincu. Mais le soldat est debout, et il prendra sa revanche. Vous verrez, vous verrez. J'en suis sûr. Il faudra même, à ce sujet, que je vous entretienne d'un projet dont j'ai mûrement étudié les éléments en Silésie. À quoi peut-on employer les loisirs d'une convalescence ? Il s'agit de mines considérables de plomb et de cuivre. Les gisements sont d'une facile exploitation. J'ai tous les documents entre les mains. L'affaire lancée, 10 maisons de banque se la disputeront. De grands capitaux ne sont pas nécessaires pour s'assurer la propriété de ces mines. Mais encore en faut-il plus que je n'en ai. Vous avez des relations, et peut-être trouverez-vous dans cette entreprise les moyens d'occuper l'activité de votre jeunesse. Moi ? S'écria Henri. Ne vous effrayez pas. Il ne s'agit point de quitter Paris. On sait trop quels liens y enchaînent les hommes de votre âge. Mais j'ai cru que l'intérêt que vous nous avez toujours montré, à Madame Dalbreuse et à moi, m'autorisait à vous parler de cette affaire. Un matin, j'irai en causer plus longuement avec vous. Henri s'inclina. Quel gouffre, pensa-t-il. De retour chez M. le duc de Carlepont, Henri ne lui cacha rien de ce qui s'était passé dans la journée. Gilbert et M. de Bléré étaient présents à l'entretien. « Et tu n'as pas tremblé, tu n'as pas cédé, » dit M. de Carlepont. « Ah, le cœur me sautait dans la poitrine. Je ne sais si je l'aime encore, mais le charme est rompu. J'ai vu la lumière, l'idole est morte. Je suis sorti de cette maison vers laquelle autrefois je ne courais jamais assez vite à mon gré, avec ce sentiment de malaise que certains voyageurs éprouvent quand ils pénètrent dans des forêts pleines d'obscurité. J'avais besoin d'air pur. C'est alors que M. Dalbreuse m'a abordé. Vous savez ce qu'il m'a dit. Et le cri de cette malheureuse femme qui a peur de la misère retentit encore à mon oreille. Que dois-je faire? Que me conseillez-vous? M. de Carlepont parut réfléchir un instant. Avant de te donner mon avis, dit-il enfin, il est bon que je te révèle un fait que je t'ai caché jusqu'à ce jour, pour des motifs dont plus tard tu apprécieras l'importance. J'en suis sûr. Ce fait te concerne particulièrement. À la suite d'une liquidation difficile, il te revient du chef de ta mère une somme ronde de 100 000 francs. Je l'avais mise en réserve pour le jour où tu aurais fait choix d'une carrière. Cette somme t'appartient. Ce n'est pas une fortune à t'ouvrir à deux battants les portes de l'avenir, mais cela peut t'aider à te pousser dans le monde. Dès aujourd'hui, elle est à ta disposition. Vous dites 100 000 francs ? 100 000 francs. Cela représente à peu près l'emprunt que j'ai fait à mon capital américain en 3 ans, dit Gilbert. Eh bien, mon père, si vous me le permettez, je disposerai de cette somme en faveur de Madame d'Albreuse. Le duc de Carlepont tire de sa poche un papier. Mets ton nom là, au dos de ce chiffon de papier, reprit-il, et ton héritage appartiendra à la personne à qui tu l'enverras par la poste. Henri prit une plume, M. de Bléry appuya le doigt sur sa main. Ainsi tu le donnes tout entier, dit-il, tout entier. Fit Gilbert, tu comptes en grand seigneur. Mes sottises, il est vrai, m'ont coûté une somme égale, mais je l'ai payée en détail. Si j'en gardais une obole, cette fortune pèserait d'un poids trop lourd sur mon cœur. Il me semblerait toujours que Madame d'Albreuse manquerait de quelque chose. Je l'ai tant aimée. Signe donc, poursuivit le duc de Carlepont. Henri signa. Voilà qui est fait, continua le duc. À présent, comment te proposes-tu d'envoyer ce chiffon à Madame d'Albreuse? Une femme qu'on a aimée, si bas qu'elle puisse descendre, c'est toujours une femme. Vous allez voir. Henri s'empara de nouveau de la plume noircie et tout d'un trait écrivit une lettre qu'il mit entre les mains de son père. Le duc lut tout haut. Madame, Monsieur d'Albreuse a bien voulu me parler d'une affaire à laquelle il attache une certaine importance et dont il veut, m'a-t-il dit, me communiquer les plans. Je n'ai qu'une médiocre intelligence de ces sortes de choses vers lesquelles ne me poussent ni mes habitudes, ni mes goûts, mais par contre j'ai une confiance entière dans son sens pratique et ses aptitudes. Je mets donc à sa disposition une somme de 100 000 francs qu'il emploiera de telle façon qu'il lui paraîtra le plus utile. Si j'avais une fortune plus considérable, elle serait à lui. Je suis heureux d'une occasion qui me permet, madame, de vous envoyer l'expression de mes souvenirs les plus respectueux et vous prie de croire, etc. Est-ce bien cela ? Dit Henri. Monsieur de Carlepont sonna. Cette lettre à Madame d'Albreuse, s'écria-t-il en la remettant au domestique qui parut. Et maintenant, mon fils, embrasse-moi, tu es guéri. Il pouvait se faire en effet que son fils fût guéri. Mais une grande tristesse succéda à la fièvre qui le dévorait. Dès le lendemain de cette journée terrible, Henri se retira dans son appartement de la rue Cassette et s'assit devant cette table chargée de livres qui si souvent l'avait retenu. Mais d'autres rêves l'y poursuivaient, et l'étude qu'il avait trahie ne lui apportait plus ni repos ni contentement. Il s'y acharnait cependant avec la ferme résolution de terrasser le mal qui l'obsédait. Il prit à cette époque l'habitude d'écrire une sorte de journal où il consignait les menus événements de sa vie. Événements intérieurs, si l'on peut s'exprimer ainsi, dont l'examen lui faisait mieux voir les progrès obtenus et tour à tour les défaillances qui en arrêtaient la marche. Ce travail le soulageait. Nous allons en transcrire ici quelques passages. J'ai reçu hier la visite de Gilbert. Je l'entendais rire au bas de l'escalier où un camarade lui disait adieu. La jeunesse de cet aimable garçon porte la vie avec l'aisance d'un vent léger qui chasse un nuage dans l'azur. La gaieté ne diminue en rien le sérieux de son caractère, mais l'enveloppe et le voile comme un pan de mousse tapisse un chêne. Il m'a trouvé devant un volume ouvert dont ma main paresseuse ne tournait pas les feuillets. À l'expression de mes yeux, sans doute, il devina ce qui occupait mon esprit. « Encore ?» me dit-il d'une voix mordante. « Ah, toujours » ai-je répondu et j'ai jeté le volume. Il est certain que j'y pense sans cesse, et cependant je ne l'aime plus. Non, je ne l'aime plus dans le sens idéal du mot. Ce n'est plus ce culte, cette adoration qui faisait que ma vie était pleine quand je l'avais vu. C'est un frisson, une secousse, un tressaillement qui me prennent tout à coup, et qu'un son furtif, un mot, un vague parfum, un effet de lumière, la chanson d'un enfant qui passe, suffisent pour réveiller. Je la sens vivre et palpiter en moi comme s'agitent sur une lande les tronçons d'une couleuvre que la cognée d'un bûcheron a frappée. Ah, maudite! Pour chasser de ce lâche cœur ton image abhorrée et qu'il héritait le trouble, j'y porterai le fer et le feu. L'autre jour, j'étais sur le boulevard, errant dans la foule. Je suivais des yeux, sans la voir peut-être, une robe de soie bleue qui me rappelait par certaines ondulations dont mon souvenir graverait les lignes harmonieuses dans l'espace, cette Julie, qui me semblait parée de grâce et de chasteté. Quelle force attira tout à coup mon regard sous la chaussée. Une calèche découverte y passait, emportée par deux chevaux pleins d'ardeur, et sur les coussins, à demi couchée dans une attitude provocante, une femme m'apparut toute enveloppée de fourrure. C'était elle. Il m'a semblé que les panneaux de la voiture portaient un nœud et un P entrelacés, surmontés d'un tortil de baron. Et j'ai pu l'aimer. Elle m'a vu et son regard m'a percé comme une flèche. J'ai senti que je devenais pâle comme un mort. Son visage n'a pas changé de couleur. Les femmes ont une force que les hommes ne connaissent pas. Est-ce une force au demeurant ou une faiblesse? Chez les parés de Julie, on dirait que l'âme est absente, ou tout au moins tombée en léthargie. Mon esprit s'est appliqué à cette philosophie, et j'ai pu la suivre de déduction en déduction, sans trop grand malaise. Et cependant, celle qui fut mon idole venait de passer. Je suis content de moi. Hélas, quelques heures après, en cherchant à m'endormir, je me suis mis à sangloter. Les promenades en Paris sont pleines d'enseignements. Je m'étais chargé d'une petite caisse que la Bigorne m'avait expédiée de la Cormelle, d'où elle m'envoie par intervalle des noix, des pommes et des galettes. Elle s'imagine sans doute qu'à Paris on manque de tout. Lorsque j'avise un gamin qui flânait le long des boutiques, et je lui demande s'il veut me débarrasser de ma caisse et la porter à mon domicile. « Volontiers, » me dit-il. Et le voilà qui marche devant moi d'un pied leste. Chemin faisant, nous causons. Mon petit homme avait 14 ans, et ne paraissait pas, tant il était petit, chétif et maigre, en avoir plus de 10. Un véritable gamin de Paris, né pour la rue et l'atelier, au besoin pour la barricade. Le nez en l'air, les yeux vifs et noirs, les cheveux ébouriffés, les joues pâles, les traits la diable, les membres grêles, et par-dessus tout cela un air de résolution, de hardiesse et de gaieté, tout un ensemble, enfin, qui fait voir qu'on a pratiqué la vie. Un tablier de travail fermé par une agrafe de cuivre saignait ses reins. Il était en apprentissage dans un atelier de sellerie. Depuis l'âge de 6 ans, il travaillait. Sa mère était morte alors qu'il était encore tout petit. Son père s'était remarié. « Il n'est pas méchant, disait-il, mais il faut marcher rondement. » Sa belle-mère ne lui voulait pas de mal, mais avait la main leste. À 6 heures, il était à l'ouvrage. On le nourrissait, on le blanchissait, on le couchait. L'argent ne devait venir que dans 3 ans. À 17 ans, il aurait 3 francs 10 sous par jour. En attendant, on ne lui épargnait pas la besogne. Les courses étaient ses distractions. Le soir, il était là et dormait comme un loir. On entrevoyait dans ses réponses nettes et rapides des parties obscures, toutes remplies de misère, de maladies, de traitements durs, de longues fatigues. Et il glissait sur tout cela. Il ne croyait pas qu'il eût subi d'épreuves. Son dénuement rebondissait sur un fond d'insouciance. Quand il eut déposé la caisse à ma porte, je lui donnai une pièce de 100 sous. « Merci, » dit-il d'un air d'étonnement. Il s'éloigna en sifflotant. Je n'ai jamais connu la gêne et l'abandon. J'ai grandi dans l'abondance et au milieu d'êtres dévoués et bons qui me chérissaient. Rien n'a été négligé pour me donner une éducation complète et forte. Et au premier choc de la vie, je pleure. Et voilà un petit homme qui ne mange pas tous les jours à sa faim et qui rit. Ah, l'excès de ma douleur me fait rougir. Oui, je le jure, j'en guérirai. J'ai vu passer tout un jour devant mes livres sans trop de grands efforts. Pour la première fois, j'étais maître de ma pensée. Le soir, le hasard de la promenade m'a conduit au palais royal. Une femme vêtue d'une robe de laine et tenant un enfant par la main s'était arrêtée devant la vitrine d'un bijoutier. Une certaine élégance qui relevait la modestie de sa toilette m'attira vers elle. Les Parisiennes seules ont cet art de draper un tartan. Elles en font un cachemire. Avec quelle singulière attention n'examinaient-elles pas tous les joyaux étalés dans leurs écrins de velours? Nos regards se croisèrent. Elle rougit légèrement, et s'apercevant alors que la pluie tombait dans le jardin. « Hé, vite » dit-elle à l'enfant, dont les doigts inoccupés barbouillent la glace. « Il faut rentrer !» Elle l'entraîna le long de la galerie, et je la suivis machinalement. Quand elle arriva au bord de cette grande place qui sépare le palais royal du Louvre, elle s'arrêta une minute, fouilla dans sa poche, en tira son porte-monnaie, l'ouvrit, le referma lentement, puis ramenant les plis de sa robe dans sa main. « Allons toujours, » dit-elle avec un soupir léger. La pluie, fouettée par le vent, tombait drue et serrée sur les pavés tout ruisselants et piqués de mille étincelles. Quelques voitures de place s'apercevaient confusément dans l'ombre. La jeune mère passa rapidement auprès d'elle, tirant toujours le garçonnet, dont les petites jambes, mal assurées, faisaient jaillir l'eau autour de sa robe. Bientôt elle disparut dans l'obscurité de la rue Saint-Honoré. Le mouvement qu'elle avait eu, en refermant son porte-monnaie, m'avait jeté dans un singulier courant d'idées. Évidemment, 30 sous représentaient une trop grande somme pour elle. Quelle lutte, dans cet esprit, avant de se résigner à braver l'orage et la distance. L'équilibre n'est-il pas maintenant rompu entre les ressources et les besoins attisés par l'éducation? Les Parisiennes vivent dans une fournaise. Ces êtres délicats qui sont bien plus le produit d'une civilisation excessive que celui de la nature sont soumis à des tentations permanentes contre lesquelles les armes fournies par la religion ont seules une vertu protectrice. Et la religion n'est-elle pas comme une lettre morte dans cette ville immense? Toute femme est ici menacée, provoquée, attaquée par 1000 convoitises qui naissent sous ses pieds et qui 20 fois, 100 fois repoussées, reviennent à la charge sans se lasser jamais. Je n'en vois pas une, filant sur l'asphalte, de cette démarche aisée et libre, dont la plupart des Parisiennes ont le secret, que je ne me rappelle la légende biblique de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions sont ici les parures, les beaux chats, les étoffes de soie, les dentelles aux fins réseaux, les calèches qui passent avec un bruit sourd sur la chaussée, les théâtres tout étincelants, les appels de la jeunesse et de l'exemple, toutes ces fêtes des oreilles et des yeux sans cesse renouvelées. Quel moyen que Daniel, un beau soir, ne soit pas dévoré? Ajoutez que ces Parisiennes au teint pâle ont l'instinct de toutes les élégances et le goût de toutes les supériorités, et avec ces dispositions innées, une sensibilité nerveuse qui les livre sans défense à toutes les sensations. J'ai pris par le plus long pour rentrer chez moi sans songer la pluie qui tombait toujours, et une grande pitié, voisine de l'indulgence, est entrée dans mon cœur au souvenir de Madame d'Albreuse. En relisant ce matin ces notes écrites à la hâte, je me suis rappelé que Gilbert, un jour de printemps, me conduisit en un lieu où, sous le prétexte puéril de voir courir une poignée de chevaux, toutes les classes de la société se trouvaient confondues. Il y avait là une grande affluence de monde, le beau monde et le monde le plus laid. J'eus quelque peine à découvrir la frontière qui les sépare. Même costume, même langage. Un sentiment de tristesse me saisit tout d'abord. Mais comme je n'ai pas mission de réformer le genre humain, je me lançai au travers d'un dédale de voitures et de chevaux, et je pénétrai dans les enceintes réservées pour voir de quels éléments se composait cette magnifique compagnie et quelles nuances on y pouvait reconnaître. Calèches et petits coupés se coudoyaient, si l'on peut parler ainsi. J'aperçus dans la mêlée, car de quel autre nom appelait cette foule, une grande dame étrangère à laquelle on m'avait présenté l'an dernier, et auprès d'elle, séparée seulement par l'épaisseur d'une portière, une personne dont les petits journaux s'entretiennent volontiers. Elle portait les mêmes étoffes. Leur robe semblait taillée par la même faiseuse, et je surpris sur leur bouche les mêmes expressions. Pour achever de rendre cette ressemblance plus singulière et plus choquante, les mêmes jeunes gens allaient de l'une à l'autre et de l'une à l'autre ne baissaient pas la voix. « Cela t'étonne, » me dit Gilbert. « Apprends donc que la seule préoccupation de la grande dame est de rappeler par son attitude et les modes qu'elle accepte l'étrange personne autour de laquelle tant de cigares s'agitent. Elle tolère cette rivalité. Que dis-je? Elle la provoque. Là-bas, on invente les modes. Là-haut, on les adopte. Quelquefois même, on les exagère. Les conséquences de cette confusion où le sentiment de la dignité se perd, tu les devines. Si d'aventure tu m'accuses de paradoxe ou de misanthropie, promets-toi un jour de soleil, à pied sur le boulevard, à cheval aux Champs-Élysées, et je te défie, à moins de les connaître par leur nom, de distinguer celles qui flottent à la surface de Paris. Les voitures roulent pour tout le monde. La procureuse est pareille à la marquise. La femme du spéculateur enrichie par un coup de bourse est semblable à l'actrice en renom. Elles sont égales par la grâce de la dentelle et le droit du velours. Il n'y a plus ni classe, ni rang, ni tradition. c'est la démocratie dans le luxe. Partant, même appétit, même aptitude à mal faire, même convoitise, même visée. Le diable tient le violon et Paris danse. Ces paroles de Gilbert me reviennent à la mémoire. Hélas, j'avais mis Madame d'Albreuse sur un piédestal, à l'écart. Je comprends à présent pourquoi elle est tombée. Pauvre femme.